Chapitre 16. On ne peut servir Dieu et Mammon. Salut des riches. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir tout ensemble Dieu et Mammon. Saint Luc, chapitre 16, verset 13. Alors, un jeune homme s'approcha de lui et lui dit, « Bon maître, quel bien faut-il que je fasse pour acquérir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelez-vous bon ? Il n'y a que Dieu seul qui soit bon. Si vous voulez entrer dans la vie, gardez les commandements. » « Quel commandement ? » lui dit-il. Jésus lui dit, « Vous ne tuerez point, vous ne commettrez point d'adultère, vous ne déroberez point, vous ne direz point de faux témoignages. Honorez votre père et votre mère, et aimez votre prochain comme vous-même. » Ce jeune homme lui répondit, « J'ai gardé tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ? » Jésus lui dit, « Si vous voulez être parfait, allez, vendez ce que vous avez et le donnez aux pauvres, et vous aurez un trésor dans le ciel. Puis venez et me suivez. » Ce jeune homme, entendant ces paroles, s'en alla tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Et Jésus dit à ses disciples, « Je vous dis en vérité qu'il est bien difficile qu'un riche entre dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore une fois, il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est qu'un riche entre dans le royaume des cieux. » Saint Matthieu, chapitre 19, versets de 16 à 24. Saint Luc, chapitre 18, versets de 18 à 25. Saint Marc, chapitre 10, versets de 17 à 25. Cette figure hardie peut paraître un peu forcée, car on ne voit pas le rapport qui existe entre un chameau et une aiguille. Cela vient de ce qu'en hébreu, le même mot se disait d'un câble et d'un chameau. Dans la traduction, on lui a donné cette dernière acception. Il est probable que c'est la première qui était dans la pensée de Jésus. Elle est du moins plus naturelle. Se garder de l'avarice. Alors, un homme lui dit du milieu de la foule, « Maître, dites à mon frère qu'il partage avec moi la succession qui nous est échue. » Mais Jésus lui dit, « Ô homme, qui m'a établi pour vous juger ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Ayez soin de vous garder de toute avarice, car, en quelques abondances qu'un homme soit, sa vie ne dépend point des biens qu'il possède. » Il leur dit ensuite cette parabole. Il y avait un homme riche dont les terres avaient extraordinairement rapporté, et il s'entretenait en lui-même de ses pensées. Que ferai-je, car je n'ai point de lieu où je puisse serrer tout ce que j'ai à recueillir. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands, et j'y mettrai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, fais bonne chère. » Mais Dieu, en même temps, dit à cet homme, « Insensé que tu es, on va te reprendre ton âme cette nuit même. Et pour qui sera ce que tu as amassé ? C'est ce qui arrive à celui qui amasse des trésors pour soi-même et qui n'est point riche devant Dieu. » Saint Luc, chapitre 12, verset 13 à 21. Jésus chez Zachée. Jésus, étant entré dans Jéricho, passait par la ville. Et il y avait un homme nommé Zachée, chef des publicains et fort riche, qui, ayant envie de voir Jésus pour le connaître, ne le pouvait à cause de la foule, parce qu'il était fort petit. C'est pourquoi il courut devant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Jésus, étant venu en cet endroit, leva les yeux en haut, et, l'ayant vu, il lui dit, « Zachée, hâtez-vous de descendre, parce qu'il faut que je loge aujourd'hui dans votre maison. » Zachée descendit aussitôt et le reçut avec joie. Tous, voyant cela, en murmuraient, disant, « Il est allé loger chez un homme de mauvaise vie. » Cependant, Zachée, se présentant devant le Seigneur, lui dit: Zachée, je donne la moitié de mon bien aux pauvres, et si j'ai fait tort à quelqu'un en quoi que ce soit, je lui en rends quatre fois autant. Sur quoi Jésus lui dit: Cette maison a reçu aujourd'hui le salut, parce que celui-ci est aussi enfant d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu pour chercher et pour sauver ce qui était perdu. Saint Luc, chapitre 19, versets de 1 à 10. Parabole du mauvais riche. Il y avait un homme riche qui était venu vêtu de pourpre et de lin, et qui se traitait magnifiquement tous les jours. Il y avait aussi un pauvre nommé Lazare, étendu à sa porte, tout couvert d'ulcères, qui eût bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Mais personne ne lui en donnait, et les chiens venaient lui lécher ses plaies. Or, il arriva que ce pauvre mourut, et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et eut l'enfer pour sépulcre. Et lorsqu'il était dans les tourments, il leva les yeux en haut et vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et s'écriant, il dit ces paroles: Père Abraham, ayez pitié de moi, et envoyez-moi Lazare, afin qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, parce que je souffre d'extrêmes tourments dans cette flamme. Mais Abraham lui répondit: Mon fils, souvenez-vous que vous avez reçu vos biens dans votre vie, et que Lazare n'y a eu que des maux. C'est pourquoi il est maintenant dans la consolation, et vous dans les tourments. De plus, il y a pour jamais un grand abîme entre nous et vous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent, comme on ne peut passer ici du lieu où vous êtes. Le riche lui dit: Je vous supplie donc, père Abraham, de l'envoyer dans la maison de mon père, où j'ai cinq frères, afin qu'ils leur attestent ces choses, de peur qu'ils ne viennent aussi eux-mêmes dans ce lieu de tourment. Abraham lui repartit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, dit-il, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va les trouver, ils feront pénitence. Abraham lui répondit: S'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne croiront pas non plus quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Saint Luc, chapitre 16, versets de 19 à 31. Parabole des talents. Le Seigneur agit comme un homme qui, devant faire un long voyage hors de son pays, appela ses serviteurs et leur mit son bien entre les mains. Et, ayant donné cinq talents à l'un, deux à l'autre, un à l'autre, selon la capacité différente de chacun, il partit aussitôt. Celui donc qui avait reçu cinq talents s'en alla. Il trafiqua avec cet argent et il en gagna cinq autres. Celui qui en avait reçu deux en gagna de même encore deux autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs étant revenu, leur fit rendre compte. Et celui qui avait reçu cinq talents vint lui en présenter cinq autres, en lui disant: Seigneur, vous m'aviez mis cinq talents entre les mains, en voici outre cinq ceux-là, cinq autres que j'ai gagnés. Son maître lui répondit: Ô bon et fidèle serviteur, parce que vous avez été fidèle en peu de choses, je vous établirai sur beaucoup d'autres. Entrez dans la joie de votre Seigneur. Celui qui avait reçu deux talents vint aussitôt se présenter à lui et lui dit: Seigneur, vous m'aviez mis deux talents entre les mains. En voici, outre ceux-là, deux autres que j'ai gagnés. Son maître lui répondit: Ô bon et fidèle serviteur, parce que vous avez été fidèle en peu de choses, je vous établirai sur beaucoup d'autres. Entrez dans la joie de votre Seigneur. Celui qui n'avait reçu qu'un talent vint ensuite et lui dit: Seigneur, je sais que vous êtes un homme dur, que vous moissonnez où vous n'avez pas semé et que vous recueillez où vous n'avez rien mis. C'est pourquoi, comme je vous appréhendais, j'ai été cacher votre talent dans la terre. Le voici, je vous rends ce qui est à vous. Mais son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, Vous saviez que je moissonne où je n'ai point semé, et que je recueille où je n'ai rien mis. Vous deviez donc mettre mon argent entre les mains des banquiers, afin qu'à mon retour je retirasse avec usure ce qui est à moi. Qu'on lui ôte donc le talent qu'il a, et qu'on le donne à celui qui a 10 talents. Car on donnera à tous ceux qui ont déjà, et ils seront comblés de bien. Mais pour celui qui n'a point, on lui ôtera même ce qu'il semble avoir, et qu'on jette ce serviteur inutile dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Saint Matthieu, chapitre 25, versets de 14 à 30. Utilité providentielle de la fortune. Si la richesse devait être un obstacle absolu au salut de ceux qui la possèdent, ainsi qu'on pourrait en inférer de certaines paroles de Jésus, interprétées selon la lettre et non selon l'esprit, Dieu, qui la dispense, aurait mis entre les mains de quelques-uns un instrument de perdition sans ressources, pensée qui répugne à la raison. La richesse est sans doute une épreuve très glissante, plus dangereuse que la misère par ses entraînements, les tentations qu'elle donne et la fascination qu'elle exerce. C'est le suprême excitant de l'orgueil, de l'égoïsme et de la vie sensuelle. C'est le lien le plus puissant qui attache l'homme à la terre et détourne ses pensées du ciel. Elle produit un tel vertige que l'on voit souvent celui qui passe de la misère à la fortune oublier vite sa première position. Ceux qui l'ont partagé, ceux qui l'ont aidé, et devenir insensibles, égoïstes et vains. Mais de ce qu'elle rend la route difficile, il ne s'ensuit pas qu'elle la rende impossible, et ne puisse devenir un moyen de salut entre les mains de celui qui sait s'en servir. Comme certains poisons peuvent rendre la santé s'ils sont employés à propos et avec discernement. Lorsque Jésus dit au jeune homme qu'il interrogeait sur les moyens de gagner la vie éternelle, défaites-vous de tous vos biens et suivez-moi. Il n'entendait point poser en principe absolu que chacun doit se dépouiller de ce qu'il possède et que le salut n'est qu'à ce prix, mais montrer que l'attachement aux biens terrestres est un obstacle au salut. Ce jeune homme, en effet, se croyait quitte parce qu'il avait observé certains commandements, et pourtant il recule à l'idée d'abandonner ses biens. Son désir d'obtenir la vie éternelle ne va pas jusqu'à ce sacrifice. La proposition que lui fait Jésus était une épreuve décisive pour mettre à jour le fond de sa pensée. Il pouvait sans doute être un parfait, honnête homme selon le monde, ne faire de tort à personne, ne point médire de son prochain, n'être ni vain ni orgueilleux, honorer son père et sa mère. Mais il n'avait pas la vraie charité, car sa vertu n'allait pas jusqu'à l'abnégation. Voilà ce que Jésus a voulu démontrer. C'était une application du principe « Or la charité, point de salut ». La conséquence de ces paroles, prises dans leur acception rigoureuse, serait l'abolition de la fortune comme nuisible au bonheur futur, et comme source d'une foule de maux sur la terre. Ce serait de plus la condamnation du travail qui peut la procurer, conséquence absurde qui ramènerait l'homme à la vie sauvage et qui, par cela même, serait en contradiction avec la loi du progrès, qui est une loi de Dieu. Si la richesse est la source de beaucoup de maux, si elle excite tant de mauvaises passions, si elle provoque tant de crimes même, il faut s'en prendre non à la chose, mais à l'homme qui en abuse, comme il abuse de tous les dons de Dieu. Par l'abus, il rend pernicieux ce qui pourrait lui être le plus utile. C'est la conséquence de l'état d'infériorité du monde terrestre. Si la richesse ne devait produire que du mal, Dieu ne l'aurait pas mise sur la terre. C'est à l'homme d'en faire sortir le bien. Si elle n'est pas un élément direct du progrès moral, elle est, sans contredit, un puissant élément de progrès intellectuel. En effet, l'homme a pour mission de travailler à l'amélioration matérielle du globe. Il doit le défricher, l'assainir, le disposer pour recevoir un jour toute la population que comporte son étendue. Pour nourrir cette population qui croît sans cesse, il faut augmenter la production. Si la production d'une contrée est insuffisante, il faut aller la chercher au loin. Par cela même, les relations de peuple à peuple deviennent un besoin. Pour les rendre plus faciles, il faut détruire les obstacles matériels qui les séparent, rendre les communications plus rapides. Pour des travaux qui sont l'œuvre des siècles, l'homme a dû puiser des matériaux jusque dans les entrailles de la terre. Il a cherché dans la science les moyens de les exécuter plus sûrement et plus rapidement. Mais pour les accomplir, il lui faut des ressources. La nécessité lui a fait créer la richesse, comme elle lui a fait découvrir la science. L'activité nécessitée par ces mêmes travaux grandit et développe son intelligence. Cette intelligence qu'il concentre d'abord sur la satisfaction des besoins matériels l'aidera plus tard à comprendre les grandes vérités morales. La richesse étant le premier moyen d'exécution, sans elle, plus de grands travaux, plus d'activités, plus de stimulants, plus de recherches. C'est donc avec raison qu'elle est considérée comme un élément du progrès. Inégalité des richesses. L'inégalité des richesses est un de ces problèmes que l'on cherche en vain à résoudre si l'on ne considère que la vie actuelle. La première question qui se présente est celle-ci. Pourquoi tous les hommes ne sont-ils pas également riches? Ils ne le sont pas par une raison très simple. C'est qu'ils ne sont pas également intelligents, actifs et laborieux pour acquérir, sobres et prévoyants pour conserver. C'est d'ailleurs un point mathématiquement démontré, que la fortune également répartie donnerait à chacun une part minime et insuffisante, qu'en supposant cette répartition faite, l'équilibre serait rompu en peu de temps par la diversité des caractères et des aptitudes, qu'en la supposant possible et durable, chacun ayant à peine de quoi vivre, ce serait l'anéantissement de tous les grands travaux qui concourent au progrès et au bien-être de l'humanité. Qu'en supposant qu'elle donna à chacun le nécessaire, il n'y aurait plus l'aiguillon qui pousse aux grandes découvertes et aux entreprises utiles. Si Dieu la concentre sur certains points, c'est pour que, de là, elle se répande en quantité suffisante selon les besoins. Ceci étant admis, on se demande pourquoi Dieu la donne à des gens incapables de la faire fructifier pour le bien de tous. Là encore est une preuve de la sagesse et de la bonté de Dieu. En donnant à l'homme le libre arbitre, il a voulu qu'il arrivât par sa propre expérience à faire la différence du bien et du mal, et que la pratique du bien fût le résultat de ses efforts et de sa propre volonté. Il ne doit être conduit fatalement ni au bien ni au mal, sans cela il ne serait qu'un instrument passif et irresponsable comme les animaux. La fortune est un moyen de l'éprouver moralement. Mais comme, en même temps, c'est un puissant moyen d'action pour le progrès, il ne veut pas qu'elle reste longtemps improductive. C'est pourquoi il la déplace incessamment. Chacun doit la posséder, pour s'essayer à s'en servir et prouver l'usage qu'il en sait faire. Mais comme il y a impossibilité matérielle à ce que tous l'aient en même temps, que d'ailleurs, si tout le monde la possédait, personne ne travaillerait et l'amélioration du globe en souffrirait. Chacun la possède à son tour. Tel qui ne l'a pas aujourd'hui l'a déjà eu ou l'aura dans une autre existence, et tel qui l'a maintenant pourra ne plus l'avoir demain. Il y a des riches et des pauvres, parce que Dieu étant juste, chacun doit travailler à son tour. La pauvreté est pour les uns l'épreuve de la patience et de la résignation. La richesse est pour les autres l'épreuve de la charité et de l'abnégation. On gémit avec raison de voir le pitoyable usage que certains gens font de leur fortune, les ignobles passions que provoque la convoitise, et l'on se demande si Dieu est juste de donner la richesse à de tels gens. Il est certain que si l'homme n'avait qu'une seule existence, rien ne justifierait une telle répartition des biens de la terre. Mais si, au lieu de borner sa vue à la vie présente, on considère l'ensemble des existences, on voit que tout s'équilibre avec justice. Le pauvre n'a donc plus de motif d'accuser la Providence, ni d'envier les riches, et les riches n'en ont plus de se glorifier de ce qu'ils possèdent. S'il en abuse, ce n'est ni avec les décrets, ni avec les lois somptuaires qu'on remédiera au mal. Les lois peuvent momentanément changer l'extérieur, mais elles ne peuvent changer le cœur. C'est pourquoi elles n'ont qu'une durée temporaire et sont toujours suivies d'une réaction plus effrénée. La source du mal est dans l'égoïsme et l'orgueil.